la vie n'est rien sauf une récompense. Même si tu donnes tout ce que tu as, regarde un peu à quoi tu penses. Et je serai toujours là, oui, pour toi. Beaucoup de personnes peuvent t'envier, ton corps sera toujours à toi. Certains peuvent te jalouser, mais tes pensées ne sont là que pour toi. Ouais, pour toi. Ouais, pour toi qui m'écoutes. Crois-moi, et n'aie aucun doute. Ouais, n'oublie, n'oublie pas ce que tu as. Ouais, ta vie, ouais, n'appartient qu'à toi. La mort n'est rien sauf une délivrance. Un jour elle croisera ton chemin. Certains qui doutent ta vie t'en sens, ce jour-là ne feront plus rien. Oui, pour toi. Toutes ces personnes qui t'ont envié regretteront ce jour leur départ. Ils ne pourront pas oublier, ils ont chanté des textes faits, oui, pour toi. Ouais, pour toi. Ouais, pour toi qui m'écoute. Crois-moi, et n'aie aucun doute. Ouais, n'oublie, n'oublie pas ce que tu as. Car ta vie, ta vie n'appartient qu'à toi. Combat, oui, pour tout affronter. Oui, survie, oui, face à toutes les menaces. Et vie, oui, et à la mort fait face. M'écoute, moi crois-moi, crois-moi, n'aie aucun doute. Moi n'oublie, n'oublie pas ce que tu as.